inquiétude sans raison, idée folle ou triste invention, je l'ignore mais j'appréhende que tu désertes la maison. Quand je te vois chaque jour t'éloigner, la solitude soudain m'envahit. Car si tu ne revenais jamais, que garderais-je de toi dans ma vie? Donne-moi une bague, un collier, un foulard, un mouchoir, quelque chose de toi, un objet que je puisse garder, qui me rappelle que tu as été à moi. Mais donne-moi une bague, un collier, t'affirme que nos existences, l'une sans l'autre, n'ont aucune chance. Car tu me deviens indispensable, et aujourd'hui j'en ai conscience. Tu le vois, nous sommes inséparables, je ne peux pas.